107.0 RGR Radio Gemozo, ta radio locale préférée. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Depuis quelques mois, je vous propose de découvrir qui se cache derrière le micro de nos animateurs bénévoles et salariés. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec Yola, qui est notre nouvelle volontaire en service civique. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va super, j'adore ton générique. Merci, moi aussi, il y en a plein qui l'aiment pas, mais moi j'adore. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Wow, en quelques mots, c'est compliqué. Je m'appelle Yola, j'ai 23 ans, même si en vrai je pense que l'âge, c'est pas ce qui définit une personne. Je fais plein de choses dans la vie, mais en ce moment je suis en service civique du coup à Radio Gemozo pour 8 mois, donc jusqu'en juin, et je suis super contente de faire ça. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'explorer, la radio. Et sinon, à côté, j'ai plein d'autres passions. Je fais de la musique, je fais de la peinture. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'art et au savoir-faire et au savoir manuel. Je pense que c'est un peu la manière dont je peux me présenter aujourd'hui. Et tu peins quoi ? Qu'est-ce que je peins ? En ce moment, je peins beaucoup de montagnes. Alors, je sais pas si c'est les Vosges qui m'inspirent ou si c'est juste que j'ai une passion montagne en ce moment, alors que je ne fais pas de ski et que, en vrai, je connais pas plus que ça la montagne. C'est juste que j'aime beaucoup les formes et les reliefs. Et j'ai fait de la géographie. Et voilà, je pense que j'aime bien la montagne. Et la géographie, c'est bien, c'est quand tu sais où et où. Ouais, mais pas tant, hein. Franchement, tu me demandes de citer les noms des capitales et tout, je suis un peu nulle, hein. C'est plus la géomorphologie ou la géologie et tout, des trucs qui touchent à la connaissance des reliefs et des pierres, ça c'est cool. Tu m'as perdue. Ouais, moi aussi je me suis perdue toute seule. La capitale de la France, tu sais quand même. Ah non, désolée, c'est trop lent pour moi. C'est Paris. Ok. Alors comment est-ce que tu as découvert RGM ? J'ai découvert RGM à travers donc Vincent. Puisque, en fait, quand je suis arrivée à Épinal, donc en février de cette année, pour un stage, je suis tout de suite allée aux ateliers d'écriture, donc à Troisième Rif, qui est un tiers-lieu à Épinal, où j'ai découvert et j'ai rencontré Vincent, et lui, il diffuse les scènes ouvertes qu'on fait sur RGM. Et voilà, donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler pour la première fois. Et puis après, c'est une amie qui m'a envoyé cette offre de service civique, parce qu'elle savait que je voulais rester dans les Vosges. Je savais pas encore comment ni ce que j'allais faire. Et ça tombait parfaitement parce que je voulais vraiment continuer à explorer le monde de... Parce que j'ai fait un podcast dans le cadre de mon stage. Et du coup, je voulais continuer à explorer les podcasts. Là, c'est une émission du coup que je vais animer. Mais en tout cas, le monde de la radio m'intéressait beaucoup. Voilà. Et c'était sur quoi ton podcast ? C'était sur les semences paysannes. Sur l'autoproduction de semences paysannes par des maraîchers et des maraîchères. Dans le cadre donc d'un stage à la Confédération paysanne et à l'Ardéar. Donc l'Ardéar, c'est une association aussi d'installation paysanne. Parce que le monde paysan m'intéresse beaucoup et c'était super, c'était passionnant. Est-ce que tu nous écoutais avant de nous rejoindre ou pas ? Eh bien non, honte à moi, mais non. Du coup, en fait, c'est surtout en arrivant ici que j'ai commencé à écouter, puisque la radio est tout le temps allumée, finalement. J'adore la programmation musicale d'RGM. C'est vraiment chouette, c'est hyper éclectique et diversifié et pour tous les goûts. Donc j'écoute, je commence à découvrir toutes les émissions qu'il y a, même en mettant les podcasts sur le site ou en écoutant la radio qui est toujours allumée. Donc non, j'écoutais pas. Et t'aimes bien mettre en ligne les podcasts des anciens services civiques qui trouvaient ça un peu chiant. Un plaisir. Bon, franchement, ça va. Pour l'instant, je pense qu'au bout de 3 mois, je vais vite en avoir marre. Ça va. Ça reste supportable. Comment est-ce que t'as postulé en tant que service civique ? Comment j'ai fait ? Eh bien, j'ai appelé directement, il me semble. C'était un peu compliqué parce que j'étais dans une ferme en woofing où il n'y avait pas de réseau. Et je pense que j'ai... Enfin, avec l'IA, on n'arrêtait pas de se louper et on n'avait pas les bons numéros. Enfin bref, c'était un peu chaotique pour postuler, mais j'ai fini par réussir à postuler. Et donc, ouais, je crois que c'est vraiment par... Si, j'ai envoyé un mail aussi avec mon CV quand même. Et vu que j'avais pas de réponse, j'ai appelé directement. Et puis, j'ai eu l'IA au téléphone et on a discuté de... Parce que j'ai vu que c'était pour créer une émission et j'avais très envie de créer une émission sur les savoir-faire et de continuer à explorer ce... Parce que les semences paysannes aussi, c'était un savoir-faire et donc je voulais continuer à explorer cette thématique. Et l'IA, elle avait déjà peut-être une émission en tête sur la mémoire, mais je trouvais que ça se rejoignait vachement au final la question des savoir-faire et la question de la mémoire, puisque bah, les savoir-faire, c'est aussi lié à une mémoire et à la transmission de cette mémoire. Et du coup, on s'est eu au téléphone et voilà, je vais parler de... ce que j'avais envie de faire. Et après, elle m'a donné un rendez-vous pour que je vienne rencontrer les animatrices et les animateurs à la radio et que je découvre un peu la radio, quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et qu'est-ce que tu t'es dit en voyant l'équipe la première fois? C'est catastrophique. Non, je me suis dit que ça avait l'air vraiment hyper convivial et hyper libre, même si cadré, évidemment, parce qu'il faut quand même du contenu, et donc il faut qu'il y ait des émissions, et donc y a du travail derrière tout ça. Mais ce que j'ai trop aimé, c'est que les contenus sont assez libres, finalement, les contenus des émissions, et qu'il y a une grande forme d'indépendance là-dessus, et d'autonomie. Et du coup, j'ai trouvé que toute l'équipe avait l'air super chouette quand je vous ai rencontrés. Et les studios aussi, ils sont... Enfin, moi, je les trouve super... C'est très chaleureux, très... je me sens bien dedans. Et y a les montagnes tout autour. Des petites montagnes, mais quand même, la vue est plutôt jolie. C'est quoi un ou une service civique pour toi? Alors, j'ai pas fait de recherche, désolée. Mais du coup, pour moi, le service civique, c'est vraiment... Je cherchais à rester dans les Vosges en faisant un service civique parce que ça me permettait premièrement d'avoir un temps partiel et donc d'explorer mes autres passions à côté. Et en fait d'apprendre en ayant une grande liberté dans une association, enfin dans un milieu associatif, parce que je sais que je veux continuer à travailler dans des milieux associatifs ou en tout cas dans des structures, des petites structures. Et donc voilà, le service civique finalement ça permet d'apprendre énormément de choses et de découvrir aussi un milieu qu'on connaît pas forcément, notamment moi le milieu de la radio, en étant payé un petit peu quand même, ce qui est important dans la vie d'être payé. Donc c'est vraiment, je pense, un bon équilibre entre ma vie et mes passions et ce que j'aime faire sans travailler et une volonté quand même de rester dans les Vosges en étant rémunérée et en découvrant la radio et un milieu que je connaissais pas. Voilà. Alors, tu disais que tu aimerais bien travailler dans un milieu associatif ou des petites structures, mais pourquoi ? C'est une bonne question. Premièrement, parce que y a une plus grande liberté d'être créatif. Et d'être créatif, j'ai l'impression, en tout cas, mes stages dans des assos dans des associations m'ont vraiment permis d'explorer beaucoup de choses, que ce soit la création d'un podcast ou ici, de créer une émission. Parce que c'est une forme d'engagement pour moi que de travailler dans des associations et de contribuer à les faire vivre. Et parce que vu que c'est pas une entreprise, les formes de hiérarchie sont pas pareilles et du coup les rapports humains sont beaucoup plus... C'est pas toujours facile, hein, évidemment, d'être dans une association, surtout qu'il n'y a pas toujours beaucoup de moyens, mais en tout cas les rapports humains sont vraiment plus chaleureux et plus... J'ai jamais testé le monde de l'entreprise après, donc j'en sais rien, mais dans mon imaginaire en tout cas, et dans mon expérience aussi, j'ai des rapports humains beaucoup plus sains et beaucoup plus forts, quoi, que j'imagine dans le monde d'une entreprise. Et pareil, en tout cas pour le service civique, les horaires sont... c'est 26 heures le service civique, donc ça laisse le temps quoi à côté. Alors tu étudies l'anthropologie et la géographie, pourquoi avoir choisi ces domaines particulièrement? C'est une très bonne question. Donc la géographie, je l'ai découvert en classe préparatoire littéraire, qui est vraiment un monde un peu particulier et qui n'est pas du tout relié au monde présent et actuel. Même si j'adore la littérature, j'avais besoin de m'ancrer dans le monde, en fait, tel qu'il est actuellement, et notamment aux enjeux environnementaux. Et la géographie, ça me permettait d'explorer ces enjeux-là. Et c'est surtout la géographie... Enfin, en fait, il y a deux types de géographie qui m'intéressent. Donc la géographie humaine, qui étudie les sociétés et leur lien à l'environnement. Et la géographie physique, ça m'intéressait aussi pas mal, même si j'étais très très nulle en géographie physique, tout ce qui est l'étude des hydrosystèmes, donc des cours d'eau. Mais en fait, c'est des connaissances sur le vivant et sur ce qui fait notre monde, en fait, ce qui fait la Terre, tout simplement, et comment les reliefs se sont créés. Et voilà, ça m'ancrait dans ces connaissances-là que j'avais vraiment envie de comprendre et d'acquérir pour mieux comprendre notre monde, mieux comprendre les dégâts que les humains et les humaines causent sur l'environnement, notamment les effets de l'agro-industrie sur la biodiversité. Ça fait partie aussi de la géographie. Enfin, il y a, en fait, c'est un champ assez pluridisciplinaire et qui explore beaucoup de domaines différents. Voilà, donc je pense que la géographie, ça me permettait de rester assez ouverte à plusieurs champs disciplinaires, quoi. Et l'anthropologie, en fait, j'ai fait une seule année d'anthropologie, donc ma dernière année de master. Et c'est un peu les mêmes explications. Donc c'était de l'anthropologie de l'environnement. Encore une fois, ce lien avec l'environnement qui, en fait, guide toute ma vie d'une certaine manière. Et donc l'anthropologie, je pourrais pas donner de définition exacte de ce que c'est, parce que déjà, j'ai fait il y a un an, et en plus, il y a plein de branches différentes. Mais en tout cas, celle dans laquelle j'étais, ça a étudié les relations entre les sociétés et l'environnement, et notamment les pratiques des humains et des humaines. Et c'est pour ça que la paysannerie et le monde paysan entre là-dedans, et que je me suis vraiment... je faisais du woofing et j'avais vraiment envie de continuer à explorer ce monde paysan à travers mes études. Et du coup, j'ai fait un stage dans le cadre de mes études d'anthropologie à la Confédération paysanne et à l'Ardéor pour rencontrer des paysans et des paysannes et découvrir leurs pratiques, leur apprentissage, leur savoir-faire. Voilà. Nous allons faire une première pause musicale avant de continuer de faire ta connaissance. On vous laisse avec Sarab et son morceau Zorumi. À tout de suite sur Radio Gemozo. De retour sur les ondes de RGM avec Yola. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ce morceau qu'on vient d'écouter? Ouais, Sarap, c'est un groupe que j'ai découvert en concert et que j'ai adoré. Je le trouve vraiment incroyable, plutôt en live qu'en enregistré comme ça, mais en fait, il m'a beaucoup touchée parce que c'est de la musique arabe et je suis d'origine algérienne et du coup, il y avait toujours beaucoup de musique arabe quand j'étais petite. Parce que ma mère en écoutait beaucoup. Et voilà, ce groupe, je l'aime beaucoup parce qu'il y a un mélange de plein de genres différents, parce qu'ils reprennent en fait des chansons d'amour arabes assez classiques. Et en même temps, il y a ce côté très rock que j'aime beaucoup, et un peu électro parfois aussi. Voilà ce que je peux dire sur ce morceau-là et sur ce groupe. Et tu écoutes quoi principalement comme musique ? J'écoute beaucoup de styles différents. En ce moment, j'ai une amie qui m'a fait découvrir des groupes islandais qui ressemblent un peu... Enfin, j'aime beaucoup Björk. Donc elle m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle Mom, qui est vraiment très doux et avec beaucoup de sons un peu électro... que j'aime beaucoup. Et sinon, j'écoute aussi pas mal de musique un peu rock alternative, comme Courtney Barnett ou de l'alternative comme Men I Trust, plutôt de la musique anglophone de manière générale. Après, j'écoute aussi de la musique du monde, musique espagnole ou arabe, parfois russe, parfois allemande, ça m'arrive. Voilà, du classique. Enfin, vraiment de tout, sauf le rap que je connais pas encore très bien, mais que j'ai un peu envie de découvrir plus. Et le slam aussi, j'aimerais bien. Enfin, c'est des genres musicaux que j'aimerais bien plus découvrir. C'est quoi ton artiste ou groupe du moment ? Du moment ? Ouais, c'est compliqué comme question. Du moment, je sais pas trop. En tout cas, il y a une artiste que j'écoute depuis vraiment très très longtemps, depuis le lycée ou collège, je sais plus trop. C'est Courtney Barnett, qui est très inspirante. Sinon, j'aime beaucoup aussi Cat Power. Courtney Barnett, c'est plutôt actuel, alors que Cat Power, c'est plutôt des années 70, je crois, si je me trompe pas. Ou 80, je me rappelle plus trop de la date exacte. Ça se trouve, c'est années 90. Bon, bref, je ne sais plus exactement, mais je sais que c'est pas vraiment actuel. Et après, bon, ouais, il y a plein d'autres groupes que j'aime beaucoup écouter. Mais en tout cas, l'artiste dont je me lasse pas, c'est vraiment Courtney Barnett, quoi. Tu écoutes de la musique, mais est-ce que tu écoutes aussi des podcasts ? Et si oui, quoi ? Ouais. En ce moment, j'en écoute moins. C'est un peu paradoxal étant donné que je suis censée faire une émission. Mais j'en ai vraiment beaucoup écouté à certaines périodes de ma vie, surtout quand je vivais à Paris et que je devais prendre les transports en commun très souvent. J'écoutais énormément Les Pieds sur Terre. Sur France Culture. J'adorais ce format-là c'était un format reportage, documentaire où on va directement sur place rencontrer des personnes et ouais, c'est ce qui m'a vraiment ouvert au monde de la radio et du podcast, c'est Les Pieds sur Terre. Après, j'ai beaucoup écouté aussi un podcast à soi, qui est un podcast de Arte sur le féminisme et sur les femmes et les personnes aussi, sur la communauté LGBTQI, voilà, assez ouvert sur ces questions-là. Il y a un autre podcast que j'écoutais, c'était Le cœur sur la table et les couilles sur la table. Voilà, c'est aussi des podcasts féministes sur les relations amoureuses de tout genre. Donc ça, c'est un peu mes podcasts phares que j'ai beaucoup écoutés Et pareil sur France Culture, LSD, la série documentaire, donc des formats plus longs, d'environ une heure à chaque fois. Mais pareil, c'est du documentaire. En fait, j'aime beaucoup les formats documentaires en podcast. Hormis les artistes que tu as cités tout à l'heure, est-ce que tu aurais un artiste ou un groupe à nous faire découvrir ? Ouais, j'ai une artiste que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Danit, que j'aime beaucoup chanter aussi. C'est de la musique espagnole. C'est un peu une musique thérapeutique, on va dire. En tout cas, c'est un peu le style dont elle se déclare. Et c'est très doux. J'aime vraiment beaucoup, notamment une musique en particulier qui s'appelle Lunita, qui parle de la lune. Enfin, en fait, c'est des musiques qui parlent beaucoup de nature. Voilà. Alors, tu disais que tu as déjà assisté à des concerts, mais est-ce que tu te souviens de ton tout premier concert auquel tu as assisté ? Pas du tout. Bah si, peut-être en fait. Enfin, je m'en souviens pas, mais je pense que ça devait être... En fait, il y avait une fête de ma ville qui s'appelle la fête d'Ivry, parce que j'habitais à Ivry-sur-Seine, c'est en banlieue parisienne. Et donc tous les ans, il y avait des artistes en fait assez connus qui venaient. Je crois qu'on a eu... dans les connus, mais que j'aime pas forcément, Magic System. Mais on a aussi eu Earth, Wind and Fire. Donc quand même, c'était pas mal. Yannick Noah aussi. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas vraiment mes styles musicaux, mais je pense que vu que j'y allais avec ma mère et que j'étais petite, ça doit être dans mes premiers concerts, quoi, au final. Et le dernier auquel tu as assisté, c'était où et c'était quand et c'était qui? Waouh, que de questions. Faut que je me souvienne. Dernier concert, c'était j'étais bénévole dans un festival de folk, donc en octobre, en Alsace, à côté de la frontière suisse, dans un endroit super qui s'appelle le Morimont. Et en fait, le folk, c'est de la musique avec beaucoup d'instruments à cordes, de l'accordéon, donc du violon, de la guitare, de l'accordéon, des chants aussi. Mes derniers concerts, c'était là-bas. Et en fait, c'est de la musique sur laquelle on danse. C'est plus traditionnellement connu sous le nom de bal traditionnel, ou néo-trad. Enfin, vu que c'est vachement réapproprié par nos générations, c'est pas traditionnel dans le sens, c'est des musiques qui sont traditionnelles, mais qui sont reprises par des groupes actuels. Donc, je pense que les derniers groupes que j'ai dû entendre, il y a deux groupes dont je me souviens, c'est Da Silva et Femme Tifem. Voilà, Femme Tifem, c'est des femmes, trois femmes, je crois, qui font de la musique folk. Est-ce que ça t'intéresserait d'assister à des concerts au nom de Radio Gemozo? Ah ouais, carrément. J'adorerais faire ça. Est-ce que tu fais partie des personnes qui préfèrent assister à un concert seul plutôt qu'accompagné? Moi, j'aime beaucoup le partage. Je suis une personne qui... J'aime bien être seule, mais je préfère être en collectif et partager les beaux moments avec des gens. Donc non, je préfère aller à des concerts et danser avec beaucoup de monde. Ou en tout cas avec mes amis, voilà. Donc non, je suis plutôt team groupe. Pour danser, faut pas trop que ça soit du rock, genre hard rock, métal. Ouais, c'est ça. Non, moi, en ce moment, j'ai découvert cette année les baltrades. Et en fait, j'adore ça, quoi. C'est vraiment génial. C'est des danses de groupe ou de couple. Et c'est un peu... ça paraît vieux jeu, mais c'est vraiment super. Nous allons faire deux pauses musicales pour mieux se retrouver ensuite. On vous laisse avec Björk et Kokana, ça se dit comme ça? Ouais, je crois. Je suis pas sûre. On se retrouvera juste après sur le 107. Confused, and me and my head after the stars. Écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo. 107.0. Oh. costure, au cap de la costure, ya au cap de la costure, ya gummi pausa, costure, ya gummi pausa, costure, ya gummi pausa, ya gummi pausa, costure. Et quand la paix vous tessete, quand la paix vous tessete, quand la paix vous tessete, quand la paix vous tessete. Retour sur les ondes de RGM avec Yola. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en streaming via notre site stream.radiogemozo.eu/live ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Vous pouvez toujours nous écouter localement en branchant votre transistor ou votre autoradio sur le 107. Est-ce que tu peux nous expliquer tes choix musicaux, Yola ? Ouais, Björk, du coup, comme je le disais, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, sa musique. C'est surtout mon père qui écoutait ça quand j'étais petite, et quand j'étais petite, j'aimais pas du tout, et j'ai redécouvert ça quand j'étais adolescente. Et j'aime beaucoup son univers, très en lien, encore une fois, avec la nature, comme beaucoup d'artistes islandais, sans doute dû à l'Islande. Peut-être aussi, et cet environnement que j'adorerais découvrir un jour. Koenka, je crois que c'est, j'oublie toujours le nom de ce groupe également, mais donc Colorina de Rosa, c'est un groupe qui chante en occitan. Et pareil, l'occitan, enfin la langue occitane et les chants occitans, j'ai découvert ça cette année avec les bals traditionnels. Et donc il y a deux groupes que j'aime beaucoup, donc il y a ce groupe là que donc Koenka, et il y a un autre groupe qui s'appelle La Mal Coiffée. Et donc pour ces deux groupes, j'ai l'impression que c'est un peu une forme de militantisme de chanter en occitan, puisque l'occitan c'est vraiment une langue qui a été interdite en France, et il y a beaucoup de langues comme ça, de langues locales qui ont été interdites d'enseignement et qui sont en voie de redécouverte et de réapprentissage par les populations locales en ce moment, et je trouve ça vraiment génial. Voilà. En tout cas, je te remercie de ne pas m'avoir laissé dire le nom des groupes et des chansons. Ouais. Parce que déjà, l'anglais, c'est assez chaud, mais alors l'espagnol. Occitan. Occitan, pardon. Alors, nous allons maintenant parler de tes projets en tant qu'animatrice. De quoi parlera tes émissions ? Alors, l'émission que je vais réaliser sera sur les savoir-faire. Pour l'instant, je pense qu'il y aura deux saisons, on va dire. Donc, une première saison sur les savoir-faire paysans. Donc, en ce moment, je vais, avec une amie qui s'appelle Mélodie, qui m'accompagne, on va dans des fermes et on rencontre donc les paysans et les paysannes. Je dis précisément le mot paysans et paysannes, puisque... Alors, pas forcément pour tous et toutes, mais c'est vraiment un terme qui désigne une forme de pratique plus proche de la nature et qui est vraiment utilisé par des paysans et des paysannes qui cherchent à avoir des pratiques plus durables et au contraire du mot exploitant ou exploitante, par exemple, qui sous-tend une exploitation de la nature et de la terre. Alors que là, c'est vraiment avoir un rapport plus proche de la terre et des autres vivants que les humains, notamment pour l'élevage. Là, pour l'instant, on va beaucoup voir d'élevage. On est allé voir déjà un élevage de vaches. Ça va bientôt sortir, donc j'en dis pas plus pour le suspense. mais en tout cas, ça sera en fait sur la thématique des savoir-faire, du travail manuel en fait, les savoir-faire paysans, tout ce qui est élevage, maraîchage, plantes aromatiques et médicinales, tous ces domaines-là. Et la deuxième, entre guillemets, saison, ça sera sur les savoir-faire artisanaux, les métiers d'art. Par exemple, bah, la céramique, la broderie, encore une fois, tout ce qui touche aux travaux manuels et aux pratiques qui sont peut-être en voie de perdition et qui sont peut-être en train de se perdre pour certains. Et j'aimerais bien aussi aller voir des personnes qui, justement, ont eu ces savoir-faire. Par exemple, bah, dans les Vosges, c'est beaucoup en lien avec le bois ou le textile. Et il y a beaucoup de pratiques qui se sont perdues et qui ont... Enfin, qui ne sont plus pratiquées, bah, notamment en raison de l'industrialisation de ces pratiques, notamment pour le travail du bois. Il y a énormément de métiers en fait qu'on connaît plus et qui ne sont, qui n'ont, enfin, même les termes, les termes des métiers, on les a perdus. Je pourrais plus vous redire lesquels là, tout de suite maintenant, mais voilà, ça sera autour de cette thématique des savoir-faire. Peut-être aller voir des artistes aussi, donc des peintres ou des couturières. Voilà, je vais voir aussi si j'explore aussi le métier du spectacle, enfin de l'art vivant, théâtre de rue, tout ça. Je sais pas encore, je vais voir. Mais ça, pour moi, c'est aussi une forme de savoir-faire. En lien aussi avec donc toujours l'écologie et un savoir-être. Et donc un choix d'un mode de vie en lien, plus en lien avec la nature, avec les animaux, les plantes, les minéraux, voilà. Est-ce que tu as déjà choisi ton générique d'émission ou pas encore ? En musique ? Non, pas encore. Ouais, c'est en pleine réflexion. Je sais pas du tout encore ce que je vais mettre comme musique. Est-ce que tu es plus à l'aise en allant voir les gens directement ou en les invitant ici en studio ? Est-ce que tu penses les faire venir ici en studio ou pas ? Pour l'instant, j'aime beaucoup le format, parce que du coup, oui, ça va être un format reportage où on va directement dans les fermes ou dans les ateliers ou chez les personnes. En fait, j'aime beaucoup ce que ça permet, ce que ça apporte à l'ambiance du podcast, d'entendre les bruits des vaches ou d'entendre quand la personne va retourner le fromage ou quand la personne va coudre. Ou... Pour moi, c'est hyper important que la personne soit dans son jus et dans son environnement pour comprendre aussi quel est son métier, ce qu'elle fait, ce qu'elle pratique, les sons qui l'entourent. Enfin, c'est pour ça que j'aime beaucoup aller directement voir les personnes, parce que je pense aussi que, d'une certaine manière, elles sont plus à l'aise. Elles savent... Enfin, y a des discussions qu'on a qu'on n'aurait pas, je pense, ici, parce que on voit directement les choses. Alors, par exemple, pour la traite, on va voir le geste qu'elle fait, on va lui poser une question sur pourquoi ce geste, ce qui n'aurait peut-être pas eu lieu si on n'était pas allé la voir. Voilà. Après, c'est vrai que du coup, le son et l'enveloppe du podcast n'est peut-être pas la même, mais c'est aussi un choix d'avoir des bruits qu'on pourrait dire parasites, mais qui, pour moi, font partie pleinement de l'environnement de la personne qu'on va voir. Qui as-tu contacté et rencontré ? Pour l'instant, j'ai contacté la ferme du Clos Marin, qui se situe à côté de Certigny. On les a vus la semaine dernière, mardi dernier. On a passé 4 heures là-bas. C'était vraiment, vraiment super. J'ai contacté aussi une... on est allé voir avec mon ami un élevage de chèvres à Gézonville. Qui s'appelle... Oh, j'oublie toujours le nom de la ferme. Ça me reviendra peut-être. Et c'était vraiment génial aussi. C'est vraiment super de pouvoir aussi aller dans les enclos et de se faire papouiller par les petites chèvres et les petites chevrettes. C'est vraiment une ambiance hyper chaleureuse et on a tous les bruits et toute la chaleur et toutes les odeurs. Moi, j'adore. j'ai contacté d'autres fermes, dont la ferme du bien-être, qui est donc une ferme qui fait plutôt des plantes aromatiques et médicinales, des sirops, des tisanes. Je vais continuer à contacter d'autres élevages, notamment... l'élevage de chèvre angora qui fait donc de la laine et à contacter ça va être un peu de semaine en semaine comme ça que je vais contacter les personnes. À savoir que j'ai reçu 2 fois Nicolas de la ferme du bien-être. Ah super, ça va, il est familier, ils sont familiers avec RGM. Est-ce que tu as prévu de contacter d'autres personnes par la suite? Tu veux dire par la suite, après l'émission ou... Oui, c'est ça. Après l'émission, quand j'aurai fini l'émission en dehors de l'émission, moi, je fais beaucoup de... ça fait 3 ans maintenant que je fais du woofing. Donc, dans tous les cas, ça me permet aussi, de créer tout un réseau de personnes chez qui je vais pouvoir aller. Peut-être pour faire des stages dans les fermes ou pour travailler directement avec elle et eux. Voilà, donc pour l'instant, j'envisage, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire après l'émission, mais je vais dans tous les cas continuer à aller dans des fermes et à rencontrer des paysans et des paysannes. Et quand tu as été à Xertini, tu as passé 4 heures là-bas, 4 heures d'enregistrement, ça doit être sympa pour le montage. Ouais, là je suis un peu en train de regretter, j'avoue. J'apprends de mes erreurs, c'est aussi tout un apprentissage à faire. C'est une forme de savoir-faire finalement aussi, le podcast et l'enregistrement. Et donc j'apprends beaucoup parce que j'ai pas, quand je suis retournée à l'élevage de chèvres, j'ai pas fait les mêmes. J'ai vraiment fait beaucoup plus de pauses dans mes enregistrements. Ouais, mais c'était la première fois, donc je pense que c'est normal aussi de prendre plus de temps pour une première fois. Et ça va, enfin, je vais apprendre petit à petit, quoi. Et t'as utilisé quoi comme matériel, ton téléphone, pour l'enregistrement ? J'utilise un Zoom, c'est une marque d'enregistreur. Je sais plus lequel exactement, je crois que c'est H3 ou H4, je m'en rappelle plus. Un Zoom sur lequel je mets donc une petite mousse pour les bruits parasites et pour le son calfeutré. Et donc ça, ce Zoom, je l'utilise quand on fait le format reportage, c'est-à-dire qu'on va suivre la personne qui nous fait visiter la ferme. Et je le porte à la main. Normalement, c'était censé être 40 minutes de visite, 40 minutes d'entretien. Et bon, ça s'est plutôt transformé en 2 heures de visite. Mais c'était super quand même. J'essaie de me poser chez les personnes. Et là, j'ai un micro que je peux brancher au Zoom. Que je vais utiliser pour enregistrer l'interlocuteur ou l'interlocutrice et poser les questions. Donc on pose des questions, nous, avec le Zoom, on s'enregistre avec le Zoom et le micro va enregistrer la personne en face. C'est un peu comme un tout petit studio, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu fais jusqu'à maintenant ? En fait, ce qui guide un peu mon chemin, c'est la rencontre et les rencontres et le partage avec les humains, les humaines, mais aussi les animaux et aussi les plantes. J'aime énormément, je suis très curieuse en fait. Et du coup, ce qui me plaît le plus, c'est de rencontrer et de découvrir et d'apprendre. Voilà. Est-ce que tu envisages de devenir animatrice radio après ton service civique ou pas ? Franchement, ça me plairait bien, hein. C'est en fait ce que j'adore, c'est qu'il y a une partie terrain et je pourrais pas, je pense, faire un métier dans lequel je suis pas au contact des personnes en fait. Donc si ça se présente, si l'opportunité se présente, ça me plairait énormément, je pense, d'être animatrice radio. Pour toi, quelle est la plus grande difficulté entre la prise de contact, la rédaction d'un questionnaire, la rencontre avec les invités et le montage de ton émission ? Quelle bonne question. Merci. Je pense que ce qui est le plus compliqué au final, c'est plus l'organisation. C'est-à-dire savoir quelle ferme ou personne va être enregistrée pour quelle semaine. Je pensais que le montage, ça allait peut-être être la partie la plus. Que j'allais le moins aimer, et au final, j'adore également. Parce qu'on réécoute, et c'est vrai que quand on est sur le terrain, en fait. Et qu'on a notre casque et qu'on pose des questions, on n'écoute pas pareil. On n'a pas la même écoute que quand on réécoute avec le montage. On prête beaucoup plus attention à ce que la personne dit, alors que quand on pose des questions, on réfléchit à la prochaine question. Et du coup, il y a plein de réponses qu'on n'entend pas vraiment. Voilà. Et sinon, ouais, je pense que le plus compliqué pour moi, c'est l'organisation et d'arriver à avoir des... du coup, là, ça va être toutes les semaines, a priori. Donc, avoir une émission toutes les semaines qui va être montée et l'efficacité, quoi. Est-ce que ça te fait pas bizarre d'entendre ta voix ? Si, mais je pensais que ça allait me faire plus bizarre que ça. En fait, ça va. Et puisque si t'aimes pas, ça serait compliqué pour... pendant 8 mois, j'aime pas ma voix. Ouais, du coup, je coupe ma voix en général. Du coup, il n'y a pas de questionnaire, t'entends que des gens qui parlent avec des bruits de vaches. C'est ça. Il y a quelques questions par-ci, par-là, mais c'est principalement des gens qui parlent avec des bruits de vaches pour l'instant. Est-ce que tu as des futurs projets, que ça soit personnel ou privé ? Par exemple, est-ce que tu envisages de créer ta propre ligne de pyjama en pilou-pilou ou d'acheter une plante carnivore ? Franchement, pyjama pilou-pilou, peut-être. Non, pas du tout. J'aime bien ne pas avoir de projet précis parce que j'aime bien aussi que la vie me surprenne. Par exemple, j'aurais jamais pu prévoir que j'allais faire un service civique à Radio Gemozo. Mais dans mes projets, ou en tout cas mes rêves, j'ai 2 principaux rêves. L'un, c'est de voyager en France à la découverte des collectifs qui se créent, des collectifs notamment en lien avec l'agriculture paysanne. Et l'autre, ça serait